音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 波澜壮阔的史诗，音符交织的画卷，北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点，交响空间。 欢迎收听交响空间，我是古月。今天首先为您带来的是戴维斯指挥伦敦交响乐团演奏的伯辽兹管弦乐作品全集，曲目有戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》的第四部分。 Thank you. dévoiler le mystère. Ce cadavre, c'était l'époux de Juliette. Voyez-vous ce corps étendu sur la terre? C'était la femme, hélas, de Roméo. C'est moi qui les ai mariés. Mariés! Oui, je dois l'avouer. J'y voyais le gage salutaire d'une amitié future entre vos deux maisons. Mais vous avez repris la guerre des familles pour fuir à notre humaine. La malheureuse fille au désespoir à me trouver. Vous seul, s'écria-t-elle, aurais-tu me sauver? Je n'ai plus qu'à mourir dans ce péril extrême. Je lui fis prendre la fin de conjurer le sort. Un breuvage qui le soir même lui prêta la pâleur. Et je venais sans crainte ici la secourir, mais Roméo trompé dans la funèbre enceinte m'avait devancé pour mourir sur le port de sa bien-aimée. Et presque son réveil, Juliette du frère Roméo, c'était contre l'armée, et passait en éternité quand j'y parus. Voilà toute la vérité. Dieu auguste symbole sur le corps et la vie et sur le corps du fils par ce bois d'humour qui console j'irai tous j'irai par le Saint crucifié. Eternelle de 请继续欣赏戴维斯指挥伦敦交响乐团演奏的伯辽兹管弦乐作品全集。今天带出的都是伯辽兹创作的序曲，选自比阿特利斯与本尼迪克特、本维努托·契里尼、里尔王、秘密法庭的法官等。 Thank you. Thank you. Thank you.